Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Comme toujours, la nouvelle année s'est ouverte sur le concert du Nouvel An à Vienne. Hommage quasi planétaire au génie des Strauss, père et fils. Et Franck Ferrand nous parle aujourd'hui des maîtres de la valse viennoise. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous voyez que je suis tout à fait prêt à commencer cette émission sur Vienne, sur les Strauss et sur la valse. Et je le fais d'autant plus volontiers que vient de paraître chez Actes Sud un merveilleux petit ouvrage signé d'Alain Duhaut. Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse. L'ami Alain est avec nous pour finir la semaine en beauté et en musique. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous fera visiter la salle du concert du Nouvel An. Oui, le célèbre Musikverein et plusieurs autres de ces salles de concert qui émaillent le paysage viennois. Nous recevrons aussi Nicolas Caro pour partager son coup de cœur du vendredi. 1987, Herbert von Karajan dirigeait le Philharmonique de Vienne dans la salle du Musikverein pour cet extraordinaire concert du Nouvel An que personne n'a oublié. Je vous ramène quelques 150 ans en arrière, le 27 octobre 1837, quand Johann Strauss et son orchestre de 28 musiciens arrivent, non pas à Vienne, ils viennent, ils arrivent de Vienne, mais ils arrivent à Paris. Ils sont épuisés, ils sont partis par le train de Vienne au début du mois. Une semaine plus tôt, ils ont fait escale à Strasbourg pour deux grands concerts. Johann Strauss est anxieux. Paris, imaginez ce qu'est Paris à l'époque, sous la monarchie de Juillet, c'est la capitale intellectuelle de l'Europe. Le public y est exigeant, notamment en matière de musique, et habitué aux grands orchestres bien plus nombreux que les 28 musiciens dont il dispose lui-même. Alors, comment celui qu'on surnomme à Vienne le Napoléon autrichien va-t-il être reçu, accueilli dans la capitale française? Quelques jours après, le 1er novembre, le gymnase dramatique, qu'on appelle aujourd'hui, nous, le théâtre du gymnase, le gymnase Marie-Bel, est à guichet fermé pour le concert inaugural de Strauss. Le tout Paris musical est venu. Vous avez dans la même salle Meyerbeer, Halévy, Adam, Cherubini, Berlioz et Auber. N'en jetez plus. Strauss ouvre son concert par une composition d'Auber, justement. L'ouverture des faux monnayeurs, et puis il enchaîne les valses qui font sa renommée depuis maintenant une dizaine d'années. Le concert s'achève soudain, des applaudissements extraordinaires, c'est un triomphe. Et dans le journal des débats, Berlioz écrit « Les morceaux que les musiciens de Strauss exécutent, ces charmantes valses où la mélodie se plaît à tourmenter, à agacer la mesure de mille manières, contiennent souvent des difficultés assez ardues, dont il se joue avec une aisance et un aplomb qui ajoutent à ses piquantes coquetteries rythmiques un charme irrésistible. » Quelques jours plus tard, Strauss et ses musiciens jouent devant le roi Louis-Philippe aux Tuileries et de nouveau, c'est un triomphe. Et le roi en récompense le lendemain, le roi des Français fait remettre à Strauss une somme de 2000 francs et une épingle en diamant. C'est presque une apothéose, cette tournée parisienne. Et puis tout au long du mois de novembre jusqu'en mars, y compris à Noël, les concerts publics, les concerts notamment dans les hôtels particuliers aussi, les concerts privés s'enchaînent. Strauss, malgré la fatigue, monte sur l'estrade, dirige son orchestre, joue lui-même du violon avec une incroyable énergie et puis avec ce rythme si particulier, avec ce sens de la valse qui caractérise un véritable orchestre viennois. Ces 5 mois à Paris ont définitivement consacré Johann Strauss comme un des meilleurs musiciens de son temps. Il a 34 ans à l'époque et c'est une tournée qui va l'emmener dans toute l'Europe pendant plus de 3 ans. Il a déjà joué à Berlin devant le roi de Prusse, il a joué devant le tsar Nicolas Ier qui lui a offert un porte-cigarette en or. Il a joué aussi à Leipzig, à Dresde, à Prague, à Magdebourg, Cologne, Brunswick, Hambourg, etc. et Francfort et Brême et Hanovre et Aix-la-Chapelle. Il est allé en Hollande, Amsterdam, La Haye et puis les Pays-Bas, donc Liège, Bruxelles. Et à chaque fois, c'est le même enthousiasme, même si ça n'est pas toujours du goût des autorités. Partout, l'arrivée de la tournée straussienne est un événement. Partout, les yeux brillent, les corps se tordent, les désirs s'exacerbent. Les bonnes âmes s'épouvantent, nous dit Alain Duhaut. Comme au début de la valse à Vienne et quasiment dans les mêmes termes, la police publie ici et là des arrêtés qui s'opposent à cette indécente et abominable façon de faire tourner les femmes. D'autant que, on le sait, cette façon de danser a pour conséquence que c'est toujours joliment dit, pour conséquence de faire voler les robes en dévoilant ce qui devrait rester caché. Certains essaient d'interdire la valse au nom de l'hygiène publique, de la morale. Inutile de vous dire que c'est peine perdue. De toute façon, les Strauss ne tiennent pas en place. La tournée se poursuit dans un rythme de valse. Et ce n'est que pour l'amour de la musique, disons-le, que Strauss a entamé cette série de concerts. Pour l'amour de la musique et puis pour quelque autre raison aussi, bien entendu, puisque le musicien a besoin d'argent. Il lui en faut de l'argent, il lui en faut beaucoup. En fait, Johann Strauss, qui a épousé quelques années plus tôt Maria Anna Streim, une musicienne qui lui a donné 6 enfants et avec qui il mène une vie très confortable, Johann Strauss a une maîtresse, Émilie Trambusch. C'est une jeune modiste. Elle est, dit-on, ni jolie ni intelligente. Elle vit dans un quartier populaire de Vienne, la Kumpfgasse. Elle vit dans une maison qui ressemble plus ou moins à un taudis. Il faut imaginer cet appartement aux murs écaillés, nous dit Alain Duhaut, aux fenêtres mal jointives, qui laisse passer l'air jour et nuit aux commodités encombrées et ce bric-à-brac d'objets inutiles et sales qui souillent les pièces, ces odeurs fétides, ces vêtements jetés en vrac, cette rumeur permanente de la rue sous les fenêtres, ces fleurs fanées sur des meubles disparates. Eh bien, dites-moi, on a envie d'y être chez Émilie Trambusch. Et néanmoins, Strauss lui donne tout son amour. Elle profite de sa richesse, bien entendu. Elle fait des achats, hein, des robes, des bijoux, etc. Alors au début, Madame Strauss a accepté cette maîtresse qui se faisait remarquer par ses tenues extravagantes. Mais Émilie et Johann ont eu 5 enfants qu'il reconnaît. L'un va même s'appeler Johann. Et là, quand même, l'épouse légitime se dit que c'est un peu excessif et elle va demander le divorce. Strauss a donc besoin, vous l'aurez compris, de beaucoup d'argent. Après Paris, malgré la fatigue, etc., le voilà parti pour l'Angleterre en avril 38. Les musiciens commencent à râler. Hein. Eux n'ont qu'une envie, c'est de rentrer à Vienne. Strauss a été obligé de doubler leur cachet. Ça ne va pas faire ses affaires, cette histoire. Alors, à Londres, on est aussi bien reçu qu'à Paris. On joue à Buckingham Palace pour le couronnement de la reine Victoria. Victoria qui n'a que 19 ans à l'époque et qui est complètement charmée par les valses du compositeur. Ça va être l'une des grandes découvertes de sa jeunesse, si je puis dire. Et puis alors, concerts à Birmingham, Southampton, Brighton, etc., etc. L'Écosse, l'Irlande, 72 concerts en 4 mois. L'orchestre est totalement, j'allais dire sur les genoux, est totalement épuisé. Et Strauss lui-même tombe malade. Il est obligé, pour soulager sa fièvre, de consommer de l'opium. À Calais, il est carrément dans le coma. Et quand il rentre à Vienne, à la fin de 1838, hein, il arrive carrément allongé dans une voiture sur une civière, recouvert de couvertures et de paille. C'est un homme quasi mourant qu'on voit sortir de ce long, de cet éprouvant voyage. Ces 4 années de tournée lui ont néanmoins permis d'échapper à tous les problèmes de cette vie sentimentale extrêmement complexe qu'il mène à Vienne. Il est devenu un homme très célèbre, son succès est immense, mais sa santé donne des signes d'inquiétude, bien entendu. C'est un homme qui a, si vous me passez l'expression, brûlé la vie par les deux bouts. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et c'est un après-midi musical que vous nous proposez aujourd'hui, Franck Ferrand, puisque vous nous racontez les relations entre Johann Strauss, le père, et le fils. Alors on va voir que tous les deux ont popularisé la valse, mais avant de continuer leur histoire à tous les deux, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les origines de cette danse ? Ah alors là il y a un débat sur la question. Vous savez que certains veulent absolument situer l'origine de la valse en France, en Provence. Hein, on en fait un dérivé de la volte. Il semblerait quand même plus que la valse telle que nous la connaissons vienne des danses populaires germaniques. Vous savez, ces danses allemandes à 3 temps en Allemagne, en Autriche, qui s'opposaient ces valses qu'on dansait dans les bals de village aux grandes, aux bals de cour, hein, bien entendu, aux menuets et à toutes ces danses de cour. Le terme de valse vient de Walzer en allemand, tout simplement. Ça veut dire tourner en cercle et ça apparaît au XVIIIe siècle. On se met à valser pas mal dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Vous savez, Goethe, dans Les souffrances du jeune Werther, parle d'une valse déjà. C'est 1815, c'est le congrès de Vienne qui va donner à la valse ses lettres de noblesse, d'une certaine manière. Et bien sûr que les Strauss vont jouer un rôle important. Alors, je dis les Strauss. Pour l'instant, nous avons Johann Strauss, le père, si vous voulez, et qui, lorsqu'il rentre à Vienne, apprend que Anna, qui avait remarqué que les fils étaient doués pour la musique, leur a fait donner, avec la modeste pension dont elle bénéficie, elle leur a offert des leçons. Et le plus doué, c'est l'aîné, qui s'appelle justement Johan, qui a même appris d'ailleurs le violon avec un des solistes venus de l'orchestre de son père. Et ça, ça plaît pas du tout à Johan père, car il avait bien l'intention d'être dans la famille le seul et unique musicien. Mais oui, et il voulait que son fils suive une carrière commerciale, etc. Quand il découvre que son fils se destine à une carrière de musicien, il est absolument furieux. Non seulement ce fils en plus est doué pour le violon, mais visiblement, c'est mieux que ça. Visiblement, il a du talent. On raconte qu'un jour que Johan travaille un sujet à l'orgue de l'église, il se met à filer vers un fameux rythme à trois temps. Devant les remontrances du vieux maître, il ne peut que reconnaître « Je voulais jouer une fugue, mais une valse m'a échappé des doigts ». C'est Alain Duhaut qui raconte cette anecdote. Johann Strauss-Père est littéralement excédé un jour. Il surprend son fils en train de travailler son violon. Et ça se passe très mal. C'est un homme colérique, le père Johann. Et il va jusqu'à insulter son fils, le frapper. Il ordonne également à son impresario de prévenir tous les directeurs des grandes salles de bal de Vienne de ne jamais le laisser s'y produire. Il n'y aura qu'un Strauss qui fera de la musique à Vienne. Vous pensez bien que tout ça est trop tard. Le 15 octobre 44, le fils de Johann Strauss donne son premier concert au casino d'Hommeyer, qui est situé à deux pas de Schönbrunn, la résidence d'été de l'empereur. Il est accompagné de 15 musiciens qu'il a recrutés parmi un certain nombre de ceux qui, dans la profession, n'avaient pas d'emploi à ce moment-là. Il ouvre son concert par l'ouverture d'un opéra à la mode, La Muette de Portici d'Auber. Il enchaîne les valses avant de finir en apothéose par une valse de son père. Les cloches de la Lorelei au fond du Rhin. C'est un véritable triomphe. Ces valses opus 1 remportent un tel succès qu'elles sont demandées, qu'elles sont réclamées 19 fois par le public. Et le père qui finalement a renoncé à organiser un concert en même temps que son fils, vous voyez jusqu'où ces choses peuvent aller, le père ne peut que se rendre à l'évidence. Il lit les journaux comme tout le monde le lendemain matin. Son fils est devenu le nouveau roi de la valse. Un des journaux écrit, enfin dans l'un des journaux en tout cas, on peut lire « Le talent n'est pas le monopole d'un seul individu. Ce jeune homme est aussi riche de mélodies et de piquants que son père, aussi habile que lui dans l'instrumentation, et cependant, il n'a rien d'un imitateur servile dans la façon dont il a tiré parti des compositions de ce dernier. » Il y a un autre journaliste encore plus cruel qui écrit « Au revoir Strauss-Père, bienvenue à vous Strauss-Suisse. » Ça doit faire un plaisir de lire ça aussi. Là, on peut dire que la relation entre le père et le fils est devenue très tendue. Je me rends bien compte qu'en tant que fils respectueux, aimant profondément mon père aussi bien que ma mère, écrit Strauss-Fils, il m'est impossible de prendre parti dans ce terrible différend où l'amour filial, l'équité et la reconnaissance se contredisent si douloureusement. C'est pourquoi j'ai pris la résolution d'utiliser le talent dont je dois le développement à ma mère. Et la résolution en question, elle est prise, elle est définitive. Réponse du père, réponse pour le moins acide, puissé-je mourir avant de voir cela ? Johann Strauss, fils, est nommé Kapellmeister, donc maître de musique si vous voulez, du 2e régiment des citoyens de Vienne, et puis un petit peu plus tard, chef de la musique municipale de Vienne. Le père est en tournée à travers toute l'Allemagne, il est nommé directeur des bals de la cour, donc il prend son poste à Schönbrunn, mais c'est bien le fils que maintenant les Viennois veulent entendre, c'est lui qu'ils acclament. Il est jeune, il est élégant dans son habit bleu avec des manchettes flottantes de dentelle, son bracelet d'or au poignet. Il est devenu en quelque sorte la nouvelle coqueluche des Viennoises. Survient l'année 1848, très important, 48, vous savez, le printemps des peuples, ces événements en Sicile, puis la révolution parisienne de février. Le 13 mars, des ouvriers, des paysans ont manifesté à Vienne. La troupe ouvre le feu sur la foule. Le prince de Metternich, qui est en place depuis 27 ans à ce moment-là, est contraint à démissionner. Il s'enfuit dans une voiture cachée sous une corbeille à linge. Il va s'exiler comme ça jusqu'en Angleterre. Il ne fait pas bon être un gouvernant, être un dominant, si je puis dire, en 1848. Une assemblée constituante élue au suffrage universel va abolir un certain nombre des droits féodaux que l'empire des Habsbourg avait maintenus. Un empire qui est en train de se décomposer littéralement. Les Tchèques réclament et obtiennent leur autonomie. Les Hongrois sont déjà en train de se soulever. C'est le fameux printemps des peuples. Et en juin, le soulèvement tchèque va être réprimé. Quand je dis réprimé, c'est d'une façon extrêmement violente. En juillet, l'armée autrichienne anéantit les Piémontais qui s'étaient eux aussi rebellés à la bataille de Custoza. Près de Vérone. L'armée entre à Vienne le 31 octobre et Ferdinand Ier d'Autriche, là, n'a plus le choix. Il est bien obligé d'abdiquer et il va abdiquer en faveur de son neveu, vous savez, celui qui régnera pendant 6 décennies et même plus, Franz Joseph, le premier. Ces événements divisent la société autrichienne. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, et vous l'aurez déjà compris, entre les opinions politiques de Strauss-père et les opinions politiques de Strauss-fils, il y a autant de fossés qu'entre leurs goûts, qu'entre les goûts musicaux de l'un et ceux de l'autre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, nous sommes au cœur de l'histoire des Strauss, père et fils. Nous sommes en Autriche et il y a des événements politiques qui divisent la société autrichienne, des événements qui risquent de diviser le père et le fils encore plus. Et oui, et dans cette tempête politique de 48, le fils se range aux côtés des libéraux. Vous l'aurez compris, lui, c'est un progressiste. Il compose la valse de la liberté, la marche des étudiants, la marche de la révolution. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Les titres parlent d'eux-mêmes. Et lors de l'avènement du nouvel empereur, François Joseph, il fait jouer la Marseillaise à son orchestre. On en parlera dans un instant avec Alain Duhaut. Le père, lui, est dans l'autre camp. Il est du côté des ultra-monarchistes. Il écrit une pièce qui rend hommage au chef de l'armée autrichienne en Lombardie-Vénétie, le fameux Joseph Radetzky. Vous savez, c'est cet homme qui a littéralement écrasé. Mais il en fera d'autres. Hein. Radetzky, on le verra. On verra aussi la façon dont il se comporte en Hongrie. Enfin bon. Bref, la marche de Radetzky, vous la connaissez parce que c'est elle qui conclut chaque année le concert du Nouvel An. Eh bien, cette marche de Radetzky, évidemment, elle a une dimension politique et une dimension politique assez importante. Elle vaut d'ailleurs un certain nombre de critiques à son compositeur, jusqu'en tournée où beaucoup ne pardonnent pas à Joseph Strauss, père, d'avoir soutenu les forces réactionnaires. Les étudiants le huent littéralement à Prague. Il n'a pas le droit de jouer à Munich la marche de Radetzky. Enfin, voyez. Après une nouvelle escale à Londres où il est reçu à la cour par la reine Victoria qui est absolument folle de lui et en tout cas de ses compositions, Johann Strauss-père revient à Vienne. On danse donc à nouveau, nous dit Alain Duhaut. On s'enivre de crème fraîche et de rythme langoureux. Dès son retour, Johann père est accueilli en fils prodigue et peut diriger à nouveau ses valses tourbillonnantes sans jamais accepter d'entendre celles que son fils lui fait résonner avec de plus en plus de succès dans les faubourgs de la ville. Vous avez le valseur de la cour et le valseur des faubourgs d'une certaine manière. Et Johann Strauss-père, quand il est rentré à Vienne, s'est réinstallé chez Émilie dans le fameux taudis de la Kumpfgasse. Et c'est dans l'humidité de cet appartement qu'il va contracter en septembre 49 la scarlatine, grande épidémie en 49. Il est au plus mal, il ne peut pas se rendre au palais de la Hofburg le 22 septembre pour fêter le retour d'Italie du maréchal Radetzky, justement, où il devait jouer bien sûr sa fameuse marche. Et finalement, le 25 septembre, il meurt. Johann Strauss-père n'avait là que 45 ans. C'est un épicier qui, en venant réclamer son dû, aurait aperçu le corps inanimé de Johann Strauss à la Kumpfgasse. Et lorsqu'Anna apprend sa mort, lorsque l'épouse légitime découvre que son mari est mort, elle dépêche aussitôt l'un de ses fils, Joseph. Il va découvrir le cadavre de son père nu sur le plancher, au milieu d'une pièce en désordre, les armoires, les tiroirs vides. Émilie a pris tout ce qu'elle pouvait et elle s'est enfuie avec ses propres enfants. L'enterrement de Johann Strauss est un grand enterrement, plus de 100 000 personnes, autant dire un cinquième de la population viennoise, est là pour accompagner son cercueil jusqu'à la Stephansdom, jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne. Un écrivain autrichien écrit « Strauss est mort comme un chien, mais il a été enterré comme un roi ». Il aura composé 150 valses, 28 galops, 14 polkas, 19 marches, 35 quadrilles. Un grand nombre de ses œuvres sont souvent attribuées en vérité à son fils aîné, mais il y en a beaucoup qui sont de lui. Alors, Parlons-en justement de son fils aîné, qui va finalement mêler son orchestre avec celui de son défunt père. Lui maintenant est plus que reconnu, hein, il va devenir riche, fêté partout. En avril 54, il est invité à diriger les musiciens de la cour pour le mariage de François-Joseph et d'Elisabeth de Wittelsbach, la future Sissi, enfin celle qu'on appelle Sissi dans sa famille. 6 ans plus tôt, il était du côté des révolutionnaires, ça ne vous aura pas échappé. Eh bien là, on peut dire que c'est une entrée dans le monde de la cour. Eh oui, comme son père plusieurs années auparavant, son rythme de travail devient effréné. Il dirige, il compose, valse, polka, etc. Il mène une vie sentimentale, lui aussi bien agitée. Il va tomber malade. À 28 ans, il fait une sorte de dépression. Il se sent plus attiré par la composition, par la musique pure, si je puis dire, que par la direction. Il songe à donner la responsabilité de l'orchestre à l'un de ses frères, Joseph, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et finalement, malgré la rivalité avec son père, on peut dire que la dynastie des Strauss est maintenant définitivement installée. Et quand on dit une valse de Vienne ou une valse de Strauss, bien souvent, on ne se pose même pas la question de savoir si elle est du père ou du fils. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour Franck. Superbe sujet. Et alors vous faites vous-même valser les phrases, il faut le dire, parce que vous êtes un écrivain, Alain Duhaut. On a parfois tendance à l'oublier devant l'homme de médias, le présentateur de grands concerts, etc. Vous êtes un poète, un écrivain, et vous avez adapté, si je puis dire, votre langue au rythme des Strauss, ce qui nous donne un récit tout en finesse et en mouvement. Beaucoup de mouvement dans ces deux vies, en vérité. Bien sûr, mais j'ai effectivement eu envie de faire chalouper la langue, parce que c'est quand même quelque chose qui est une ivresse extraordinaire que cette musique des Strauss. Et vous avez parlé justement de Johann Strauss le père, Johann Strauss le fils. Il y a aussi Joseph Strauss, oui, et Eduard Strauss, puisque c'est vraiment une sorte de PME Strauss qui a traversé le siècle et qui a éclairé complètement ce 19e siècle viennois. Quand vous dites traverser le siècle, c'est même physiquement pour ce qui est du père et du fils dont nous venons de parler, puisqu'il y en a un qui naît au tout début du siècle. 1804. Et l'autre qui meurt à la toute fin. 1899. Voilà, c'est-à-dire. Donc c'est vraiment un siècle de musique à Vienne. Un siècle de valse viennoise avec les Strauss. Nous allons revenir sur un certain nombre des aspects de ces vies tourmentées néanmoins. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ah, des vies bien agitées. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de la valse, au cœur de l'histoire de Johann Strauss, père et fils. Nous allons en savoir plus avec votre invité. Franck, vous recevez Alain Duhaut. Il est romancier, musicologue, animateur de télévision, de radio et poète. Et vous pouvez le lire dans Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse, paru chez Actes Sud. Alors, nous reviendrons tout à l'heure un peu sur la vie de Johann Strauss, père, et sur notamment sa vie sentimentale pour le moins complexe. Mais continuons, si je puis dire, aux côtés de Johann Strauss, fils, qui n'est pas un homme de spectacle et qui préfère écrire, lui, en c'est vérité. C'est exactement ça la différence. C'est que Johann Strauss, père, c'était vraiment un showman. C'est ça. Et en fait, il a vécu toute sa vie justement pour mener le show. Tandis que Johann Strauss, fils, il est obligé au début. Il ne faut pas oublier qu'il est l'instrument de la vengeance de la mère. De sa mère. Faut quand même, c'est ça. Pourquoi la mère l'a poussé ? C'est justement pour se venger. Pour faire un concurrent à son père. Voilà. Et elle l'a poussé ainsi à faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire à diriger, à composer des valses et des polkas et des marches, et à les diriger dans tous les lieux de la ville, dont le fameux Sperl, ou dans ces grands lieux où on donnait la valse. Quand je dis des grands lieux, il faut imaginer que c'était des lieux où il y avait 3000, 4000, jusqu'à 5000 personnes. Donc c'était immense. Extraordinaire. Et des arènes musicales. Il a joué le jeu au début, et puis, comme l'hérédité était là, il a eu aussi une vie sentimentale particulièrement agitée, c'est-à-dire qu'on disait, et il disait lui-même, qu'il ne savait pas forcément le prénom de la jeune femme qu'il ramenait la nuit, et il était sûr de l'avoir oublié au petit matin. Donc tout cela l'a fatigué, et il a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out. Et tout d'un coup, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus diriger. Et il était donc très satisfait, parce que, comme vous le dites bien, Franck, ce qu'il aimait, c'est composer. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a modifié le style de la valse. Parce qu'au début, Johann Strauss père, et puis les premières valses de Johann Strauss fils, ce sont des valses faites pour être dansées. Tandis que Petit à petit, sont des poèmes symphoniques, ce sont des valses faites pour être écoutées. Et ça change tout, ça. Et c'est tout à fait différent. Tous les grands chefs-d'œuvre, le Beau Danube bleu, Sans Viennois, dont on a entendu un beau Pas très facile à danser, tout ça, d'ailleurs. Mais c'est pas fait pour être dansé, être écouté. C'est fait pour être écouté, comme on le fait aussi, d'ailleurs, au concert du Nouvel An. Puisque là, on a véritablement tous les grands moments. Le sommet étant sans doute la valse de l'empereur, qui fait 14 minutes. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans le show. Et c'est ce qui a modifié les choses. Et c'est pourquoi intervient un troisième personnage. C'est qu'il fallait bien que la PME Strauss continue de vivre. Voilà, il faut bien que quelqu'un dirige l'orchestre et fasse le show. Et donc comme lui ne voulait plus diriger, et il ne pouvait plus puisqu'il était dans cette dépression, eh bien on fait venir le frère. Joseph Strauss, ce qui permet d'intituler les concerts Orchestre J. Strauss. Voilà. Que ça soit Johann ou Joseph, c'est toujours valable. Alors, le frère, il ne veut pas venir d'emblée parce qu'il a fait, lui, une carrière d'ingénieur. Il a même inventé un système pour. Pour raconter ça. Oui, pour récupérer les déchets à Vienne, mais peu importe. En fait, il n'a pas du tout envie de vivre cette vie. Mais la mère est là. Et la mère impose. Il faut que l'entreprise Strauss continue, et il faut qu'elle continue toujours pour faire oublier le père. N'oublions jamais cette fonction de vengeance de Anna. Et donc, elle va peser de tout son poids pour que Joseph Strauss reprenne le bâton et fasse tourner l'orchestre Strauss, non seulement à Vienne, en Autriche, mais partout en Europe. Mais la star, si je puis dire, n'en reste pas moins, d'une certaine manière, Johann Fiss. Hein, c'est sûr. Lui celui que les gens veulent voir ou entendre ou écouter. On peut dire que sa carrière a pris un coup d'accélérateur extraordinaire grâce à l'exposition universelle de 1867 à Paris. Bien sûr, parce qu'à l'exposition universelle, il est évidemment invité et il triomphe. Mais surtout, c'est là qu'il va, si j'ose dire, recréer la valse qui lui est identifiée, c'est-à-dire le Beau Danube bleu. Brièvement, le Beau Danube bleu, c'est une commande d'une chorale d'un quartier de Vienne pour mettre en valeur les nouveaux becs de gaz qui vont éclairer. vous imaginez comme c'est passionnant. Mais il y a donc un auteur de vers de Mirliton qui va trousser quelques quatrains sur ces becs de gaz. Ça n'inspire pas véritablement Strauss au début, et puis finalement, il se prend au jeu. Il se prend au jeu et il écrit sa musique. Mais c'est créé avec un chœur qui chante ces vers qui sont totalement ridicules. Et c'est un bide total. Ce qui fait qu'il, peu importe, il en compose d'autres. Il le remet dans sa mallette. Et puis, quelques mois plus tard, il est invité à l'exposition universelle. Et là, eh bien, on lui demande de créer une œuvre qui n'est pas connue pour Paris. Il se souvient de cette valse. La valse des réverbères. Voilà, on élimine les paroles idiotes et il n'y a que la musique. Et à ce moment-là, ça éblouit tout le monde. Et le Beau Danube bleu, en fait, curieusement, est né à Paris. Et oui, c'est ça. Et vous savez qu'il y a un rapport à Paris. Tout à l'heure, vous disiez justement qu'il avait fait jouer la Marseillaise. Oui, oui, oui. Mais vous savez qu'il a composé aussi une valse de Paris. Et comme clin d'oreille, à la fin, il y a des extraits de la Marseillaise. Quelques notes, oui. Il a pris quelques harmonies de la Marseillaise à la fin de la valse de Paris. Et quand Georges Prêtre a dirigé le concert du Nouvel An à Vienne en 2008, eh bien, il a fait entendre la valse de Paris, bien sûr. Quel beau moment c'était, d'ailleurs. Et quelle élégance. Premier et seul chef français magnifique à avoir été choisi, puisque peut-être les auditeurs d'Europe 1 ne le savent pas, mais on n'est pas nommé, désigné. Ce sont les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui, le 1er janvier, ils donnent le concert de 11h à 14h, ils déjeunent et ensuite ils se réunissent en conclave et ils choisissent celui qui va diriger le 1er janvier suivant. Honneur suprême pour un chef d'orchestre. Mais c'est extraordinaire, c'est ainsi que moi Georges Prêtre m'a raconté cette histoire, il m'a dit j'étais chez moi le 1er janvier 2007, j'avais vu le concert, c'était extraordinaire, le téléphone a sonné, on m'a dit c'est vous qui êtes choisi. Et il m'a dit, c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai pleuré. Ah, c'est formidable. Parce que c'est une reconnaissance mondiale. Imaginez 100 millions de téléspectateurs. Eh oui. Vous savez que c'est le spectacle le plus vu après le numéro 1, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quand même, c'est tout à fait étonnant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire des Strauss, Johann Strauss, père et fils, avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez le romancier, musicologue, animateur de télévision et de radio et poète Alain Duhau, auteur de Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse, paru chez Actes Sud. Très joli livre, Le Père, le Fils et l'Esprit de la Vasse. Là, pour l'instant, nous sommes avec le Fils et nous arrivons à ses côtés, à Boston, Alain Duhaut. Ah oui, ça c'est vraiment une histoire extraordinaire. Donc on est en 1872, il y a une fête de la paix qui est organisée à Boston et on invite Johann Strauss, célébrité mondiale, comme vous l'avez très bien raconté. Alors il hésite. Et puis, il y a des arguments auxquels on ne résiste guère. On lui propose un cachet absolument faramineux. En francs aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 million d'euros. Mm-hmm. Donc là, il hésite un peu moins. Il accepte. Il met quand même plusieurs conditions de partir avec sa femme de chambre, son domestique et son chien. Très important, le chien, on le verra. Et il arrive donc à Boston. D'abord, il est surpris par la vie américaine, parce que c'est pas du tout la vie autrichienne. Mais surtout, il arrive au lieu où doit donner ce concert. Et là, il découvre l'orchestre qu'on lui a préparé. C'est un orchestre de 2000 musiciens. 2000 musiciens. 20 000 choristes. C'est pour 100 000 spectateurs. Hein. Mais alors, cet orchestre, évidemment, comment c'est peut-on diriger une sorte une telle masse, de monstre. Oui. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il y a 200, 300 premiers violons, 300... Oh là là. Enfin, bref. Alors, on lui explique qu'il aura des chefs assistants. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, on va avoir, tout au long de cette masse de 2000 musiciens, des chefs assistants qui vont avoir des jumelles pour voir ce que fait le maître. Le maître sera juché sur une tour de guet et pour lancer cette cacophonie, parce qu'on imagine que ce soit une cacophonie sonore, au lieu d'un coup de baguette, ça sera un coup de canon. Un coup de canon, alors. Bon, quand on lui explique ça, il commence par dire « Vous vous moquez de moi ?» Je rentre. Et on lui dit « Mais si vous rentrez, vous allez être lynché. » Parce qu'il y a 100 000 personnes qui ont déjà acheté leurs billets. Bref, le concert a lieu. Alors c'était étonnant parce qu'il y a tous ces instruments multipliés par 10, 50, 100. Et puis il y a des percussions extraordinaires. Il y a par exemple des rails de chemin de fer suspendus à des poutres pour remplacer les triangles. Vous savez, le petit triangle charmant dans l'orchestre. Là, alors on tape dessus avec des maillets. Je ne peux pas imaginer ce que ça peut être. Ça mais toujours être est-il qu'il a gagné beaucoup d'argent. Et puis, il est devenu là aussi une star sur place, à tel point que toutes les femmes américaines voulaient avoir une mèche de ses cheveux. Vous savez, il avait des cheveux bruns, très bouclés. On n'en a pas beaucoup de cheveux, somme toute. Hein. Non, parce que... Une douzaine de milliers, je crois, en moyenne. Il était tout à fait, évidemment, embêté de cette demande, mais son majordome domestique a eu la bonne idée. Il a accueilli lui-même les femmes avec une enveloppe parfumée dans laquelle il mettait une mèche non pas des cheveux de Johann Strauss-Fils, mais de l'épagnol. L'épagnol est reparti, évidemment, totalement tondu. Et c'est ainsi que l'histoire parfois donc se le fait. Donc le chien a joué un rôle important. Ben, le chien a joué un rôle important. Donc il y a peut-être dans les greniers de certaines familles de Boston une petite enveloppe avec des poils de chien qui ont été donnés ou je ne sais pas si on a donné quelques subsides, donnés ou vendus. Pour être ceux de Johann Strauss, le fils. Une petite mèche de l'épagneul Strauss. C'est joli. Quel est le rôle de sa femme dans un tout autre registre Alors, de sa femme, d'abord, la femme, elle vient relativement tard. Parce que, bon, il a ce burn-out, et puis à un moment, On a compris qu'il multiplie les conquêtes. Voilà. À un moment, il se dit, il faut faire une fin. Et il va rencontrer, chez un aristocrate viennois, dont elle est la maîtresse, une ancienne chanteuse, qui se prénomme Jetty, qui est beaucoup plus âgée que lui, enfin beaucoup plus, elle a 8 ans de plus que lui, mais à l'époque ce n'est pas négligeable. Et d'emblée, lors de cette réception, eh bien ils se plaisent, ils se le disent, ils se le montrent, ils se le prouvent, et Jetty va dire au baron, eh bien je vous quitte parce que je vais épouser Johann Strauss-Fils. Et le baron est parfait, le baron lui dit mais je comprends ça, et pour que vous n'ayez pas de problème, je vous donne de l'argent pour vivre avec Johann Strauss-Fils. C'est incroyable. C'est tout à fait extraordinaire, mais on est au 19e siècle à Vienne. On est dans l'entourage des Strauss. Exactement. Hein, on a l'impression que tous les repères habituels se mettent à zigzaguer là d'un seul coup. Mais ça a un avantage aussi pour Johann Strauss, pour sa composition, parce qu'il n'a plus aucun problème d'argent. Il vit avec l'argent du baron, l'ancien amant et protecteur de Jetty. Et ils vont donc s'installer dans une très belle maison à Yetzing, dans la périphérie de Vienne, et là, elle va vraiment s'occuper de lui, mais s'occuper avec une tendresse extraordinaire. Elle sait ce que c'est, elle a été chanteuse, elle sait ce que c'est que la vie d'artiste, à quel point ça peut être extrêmement difficile sur le plan nerveux. Elle va lui faire justement une sorte de cocon où il va vivre heureux avec elle, et simplement avec la nécessité, le bonheur pour lui, de composer debout d'ailleurs. Si vous allez dans la maison de Strauss à Vienne, vous verrez qu'il avait un grand pupitre, il composait toujours debout et la nuit. Comme Victor Hugo, à la même époque, écrivait exactement de la même façon. Celui qui avait été admiré de Wagner, écrivez-vous. Bien sûr. Qui avait été l'ami de Brahms et de Bruckner, qui serait transcrit par Berg, Webern, Schönberg, qui serait adulé par Ravel, révélé par Mahler, salué par Richard Strauss, estimé par Honegger, allait bien sûr subir les avanies condescendantes des snobs, tant pis pour eux. Voilà leur compte réglé en une phrase et vous avez raison. L'essentiel est que les 251 numéros d'opus de Johann Strauss père, les 479 de Johann Strauss fils, les 283 de Joseph, auxquels il faudrait ajouter ceux d'Edouard, constituent plus d'un millier de pièces qui donnent du bonheur. C'est incroyable ce qu'a été la fécondité de cette famille de compositeurs. C'est une fontaine de bonheur, c'est ça, tout à fait. Mais vous aviez raison de souligner tous ces grands compositeurs qui ont admiré Strauss. Vous voyez, il y a une lettre de Wagner où il dit « Johann Strauss a la tête la plus musicale de notre époque ». Sachez aussi que Johannes Brahms, qu'on considère comme quelqu'un de très rentré, venait passer ses après-midi chez Johann Strauss. Anton Bruckner, ce compositeur qui est le suivant de Wagner, venait jouer au billard avec lui. Donc, il reconnaissait cette beauté musicale, car derrière l'apparent divertissement de cette musique qu'on dit légère comme si l'autre était lourde, eh bien, il y a la vérité d'un compositeur qui avait cet art de l'orchestration, cet art du rythme à trois temps, de ce rythme qu'il a développé. Il l'avait développé dans le sang. Mais complètement. Et qu'il a tout d'un coup, il en a fait ce rythme universel de l'amour. Parce que, vous rappeliez auparavant, la danse, c'était quoi? C'était le menuet. Le menuet, c'était des figures. On se tenait par le petit doigt. On avançait d'un pas en arrière, un pas en avant. On tournait la tête. Quelqu'un venait en face de vous. On ne choisissait personne. La valse, c'est tout autre chose. La valse, on choisit sa cavalière. On la serre contre soi. Et de manière individualiste, on traverse tout l'espace de la danse pour l'enivrer de ce mouvement. Eh bien, là, on comprend ce que le rôle du désir joue dans cette Vienne où va naître un certain Sigmund Freud raconter, au fond, scientifiquement, ce qui s'est vécu. Ce qui déjà était à l'œuvre. Voilà. Mais oui. Et vous réconciliez d'une certaine manière le fils et le père dans tout cela. On n'a pas, alors, du coup, je suis passé directement Le seul que je n'aime pas, c'est Édouard Strauss. Oui. Édouard Strauss, le deuxième frère, qui était aigri parce qu'il savait qu'il n'était pas l'équivalent de son frère et qui, à la mort de son frère, est allé dans sa villa et a brûlé toutes ses partitions. Pas bien, vraiment pas terrible. Non, pas bien. Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse. On peut dire que c'est notre coup de cœur à nous. C'est cet ouvrage d'Alain Duhaut, extrêmement enlevé, vous l'aurez compris, sur des personnalités bien mal servies par la postérité, alors qu'on continue d'écouter chaque jour dans le monde entier les valses de Vienne et les valses des Strauss. Johann Strauss. Pour les snobs, vous savez, les snobs ont toujours tort parce que ce sont des intégristes et on sait ce que l'intégrisme peut faire comme mal. La musique de Strauss, elle est faite pour faire du bien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et depuis 14 heures, nous sommes au cœur de l'histoire des Strauss, père et fils. Il est donc temps maintenant d'aller à Vienne sur place avec Lorena Martin. Et Lorena nous emmène dans les grandes salles de concert viennoises. Bonjour Lorena. Bonjour. Notamment au Musikverein, j'imagine, au club de musique, hein, pour traduire. Qui désigne deux entités puisque vous avez l'édifice construit en 1870 sur la Karlsplatz, proche du boulevard Ringstrasse. Et la Société des Amis de la Musique de Vienne, fondée en 1812. C'est l'association à qui appartiennent ces lieux. Et le bâtiment, vous savez, rappelle un temple avec des colonnes, des pignons de et des reliefs. Vu de l'extérieur, c'est très, très classique. Très, très classique. Et de la Musikverein Saal, on connaît surtout la mythique salle dorée où se déroule le concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique beaucoup de Vienne chaque année. Beaucoup de dorures et beaucoup de fleurs le jour du premier de l'an, oui. Oui, et il fait partie des concerts les plus célèbres au monde, retransmis à la télévision dans beaucoup de pays, dans 90 pays. Et il faut bien l'admettre, c'est une chance de pouvoir y assister, car les billets sont tirés au sort, vu la très grande demande. Et au plafond, on retrouve dans cette salle dorée l'Apollon et les Muses, sur les colonnes, des silhouettes féminines antiques. Et à l'époque, il n'y avait que la salle dorée et la salle Brahms. Et depuis ces dernières années, on a ajouté 4 nouvelles salles de verre, de métal, de pierre et de bois. Alors, on pourrait parler aussi du Wiener Konzerthaus, mais je vais vous en faire grâce, si vous voulez. Pourtant, il n'y aurait pas mal à dire. C'est quand même la scène attitrée de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. N'est-ce pas, c'est là qu'on va écouter les grands concerts. Oui, c'est exactement en style Art Nouveau, nous dit Alain Duhaut, dont le micro a été un peu prématurément coupé. Et je voudrais dire un mot du Cours Zalone, parce que j'y étais l'autre jour, pour tout vous dire. Et alors, un petit orchestre de 28 musiciens, justement, mais alors qui vous entraîne dans l'âme même de ce qu'est la valse viennoise. C'est un lieu où l'on peut dîner gastronomiquement et profiter d'un concert classique pendant près de 2 heures. Et c'est un bâtiment de style renaissance, italienne, 4 salles de bal sur 2 étages. Et c'est là que Johann Strauss, fils, donna son premier concert le 15 octobre 1868. Et c'est d'ailleurs ici que la valse a été popularisée grâce au Strauss aussi. Et qu'elle se maintient populaire auprès des touristes du monde entier. Le lieu de rencontre de la société viennoise. Le Philharmonique de Vienne, la biographie d'un orchestre, c'est un ouvrage de Christian Merlin qui est publié chez Buchet-Chastel. Un ouvrage remarquable, très solide, très sérieux, le genre de livre de référence. Vous savez, merci Lorena. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes vendredi, coup de cœur aujourd'hui de Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Et vous voulez nous parler des infortunes d'Alonso Ramirez. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Pirate des Caraïbes. T'es pirate, ça, exactement. Oui, mais voilà. Et je vois bien capitaine de vaisseau pirate, Franck. Je ferai ah votre oui, second, non, moi si pas vous trop. Voulez. Oui. Alors là, c'est l'histoire vraie. Ça s'appelle Les Infortunes, donc d'Alonso Ramirez chez Anacharsis. C'est l'histoire vraie d'un homme de la fin du XVIIe siècle. Capturé par les pirates, le livre s'ouvre sur ces mots et je trouve ça donne bien le ton. Je veux que l'esprit curieux qui lirait ceci prit plaisir quelques heures au récit de ce qui pour moi fut cause de tribulations mortelles durant ces années. Cet Alonso Ramirez, c'est un portoricain. Son on père est charpentier compte, de marine. Là, en fait. Voilà. Et il sera charpentier de marine aussi, bien sûr. Il veut bien Alonso, pourquoi pas. Mais à condition de gagner quand même un peu plus que ce qu'on lui propose parce que là, c'est vraiment la misère. Alors il décide de partir. Il se fait engager comme mousse à 13 ans, direction La Havane, pour vendre son talent, mais pas de chance, c'est pire que chez son père. Il reprend la mer, il finit par se fixer à Mexico où il se marie, il est très amoureux, en plus c'est une très belle jeune fille, de bonne famille, mais bon, elle meurt en couche un an plus tard. Là, ça va pas du tout Alonso, en plus, il ne trouve pas de travail, je désespérais de pouvoir améliorer ma vie, dit-il. Et me trouvant devant le tribunal de ma conscience, non seulement en accusé, mais encore convaincu de n'être bon à rien, je crus judicieux de m'infliger en châtiment de ce délit la peine que l'on réserve à Mexico au délinquant qui est de s'exiler il est aux Philippines. Alors il part encore et finalement il va partir tout le temps. Il continue ses voyages, il parcourt les mers, mais un jour de 1687, sa frégate est attaquée par des pirates anglais et le voilà prisonnier. Il va donc se retrouver sur ce vaisseau pirate, il va faire le tour du monde, spectateur impuissant face aux atrocités des pirates, bien sûr. Un jour, deux de ses compagnons transgressent la règle, ils ne devaient pas parler aux commerçants avec qui les pirates traitaient. Ils ont transgressé la règle, et bien 600 coups de fouet, ils meurent tous les deux. Oh oui, 600 coups de fouet, on survit rarement. Voilà. Alors la suite, vous lirez, je ne vais pas tout vous raconter quand même, mais c'est un récit fascinant, très bien écrit, surtout la question... Ça s'appelle donc, pardon ? Ça s'appelle Les Infortunes d'Alonso Ramirez. Surtout la question, c'est est-ce que tout est vrai ? Eh ben oui, parce qu'on a longtemps cru, il a été retrouvé en 1902 ce récit, et on pensait que c'était une fable, que ça avait été inventé pour mettre un coup aux Anglais de la part des Espagnols, pour montrer à quel point ils sont cruels. Et en fait, là, dans ce livre, Fabio López Lázaro, l'auteur, a fait toute une enquête, et il a prouvé que tout était vrai, avec quelques petits mensonges pour mettre en valeur le héros, bien sûr. Mais c'est encore plus captivant comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. On sent que ça vous a complètement transporté, cette histoire de pirate. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.